Là, les libéraux, s'ils n'ont pas le courage de dire, garde, c'était bien beau en théorie, les CPE, là, mais ouais. ça marche pas. Ouais. Faut, on n'a pas d'affaires à être dans ce business-là. C'est pas une industrie qui, mm-hmm. qui doit être gérée par l'État. Puis le privé faisait beaucoup mieux que nous avant. S'ils sont pas capables d'avoir la lucidité de faire ce constat-là, mais ils sont aussi bien d'arrêter yeah. d'endormir le monde avec la modulation. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que ça va finir dans la rue? Là, je vois déjà Alexa Conradi de la Fédération des femmes le matin qui dit qu'il faut se mobiliser. Françoise David. Ça va finir avec des pancartes dans les rues, ça, là, cette histoire-là des garderies, Eric. Écoute, ça, c'est pas impossible au Québec. On aime ça manifester pour nos privilèges puis nos droits acquis. Mais ces gens-là, là, je vois aussi les associations de garderies puis tout ça. J'ai un gros malaise avec ça. Depuis quand est-ce que c'est des employés qui décident combien une entreprise va charger? Vous autres, là, est-ce que vous allez manifester parce que Radio X va augmenter les tarifs aux gens qui achètent de la publicité chez vous? Puis allez-vous commencer à vous mêler de ça? Je veux dire, c'est pas de leurs affaires. Ils peuvent-tu se taire? Je veux dire, ça les concerne pas. Fait que je comprends même pas pourquoi ils sont des joueurs. Puis là, tout le monde les interviewe. Puis c'est pareil comme si c'était des sommités en la matière. Mais ces gens-là sont en conflit d'intérêts puis ils se mêlent pas de leurs affaires. Puis il y a personne qui rappelle à l'ordre. Ça aussi, c'est un autre problème dans le modèle actuel. Éric, bonne fin de semaine. Merci. Ciao. Salut.